Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide, son pardon et sa protection contre le mal de nos âmes et de nos œuvres. Nul ne peut égarer celui qu'Allah guide et nul ne peut guider celui qu'Allah égare. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de ses éloges, ainsi que sa famille et ses compagnons, et leur accorde le salut. Ceci dit, faites preuve de piété, ô serviteur d'Allah, de véritable piété, et attachez-vous à la prise solide de l'islam, ô musulmans. La clé de l'adoration d'Allah et son secret réside dans la connaissance de ses noms et de ses attributs. Ses noms sont parfaits et ses attributs sont sublimes. Et Allah aime voir les effets de ces derniers dans sa création. Il a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer par ses noms. Allah aime ses noms et ses attributs et aime que les effets de ceux-ci apparaissent dans ses créatures. Il ordonna à ses créatures de l'invoquer par ses noms et ses attributs. Dans la traduction des versets, il est dit « Allah a les noms parfaits, invoquez-le donc par ceci. » Les créatures qu'Allah aime le plus sont celles qui possèdent les caractères qu'il aime. Et celui qui adore Allah par le biais de ses attributs se rapproche de sa miséricorde. Et il fera entrer celui qui connaît ses noms dans son paradis. Parmi ces noms, il y a le pudique. Et la pudeur est l'un de ses attributs. Allah s'est lui-même décrit par cet attribut. Dans la traduction des versets, il est dit « Certes, Allah ne s'abstient pas par pudeur de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit d'autre. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé ainsi et a dit « Allah est pudique et caché et aime la pudeur et ce qui est caché et dissimulé. » Rapporté par Abu Daoud. Allah le Très-Haut, par pudeur, ne rejette pas ceux qui l'invoquent. Dans le hadith, il est dit « Votre Seigneur est pudique et généreux. Par pudeur, il ne laisse pas son serviteur lorsqu'il lève ses mains pour l'invoquer, en le laissant sans lui donner ce qu'il demande. » Rapporté par Abu Daoud. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « L'esprit ne peut connaître la réalité de la pudeur d'Allah, ni connaître son comment. C'est une pudeur pleine de générosité, de bonté et de noblesse. Le plus noble des comportements, celui qui a la plus haute place et le plus important est la pudeur. Elle appelle à délaisser ce qui est mauvais. Elle empêche de se montrer négligent envers les droits des autres. C'est une qualité qui trouve sa source dans la vie. Et la force de la pudeur est en fonction de la vie du cœur. Plus le cœur est vivant et plus la pudeur est complète et forte. La pudeur a toujours été louable et l'utiliser est obligatoire depuis l'époque de la première prophétie. Il n'y a pas un prophète qui n'y a pas appelé et qui ne fut pas envoyé avec celle-ci. Elle n'a jamais été abrogée ni changée comme d'autres prescriptions divines. En effet, l'importance de la pudeur est évidente et ses mérites sont apparents. Toutes les raisons sont d'accord sur sa valeur. Une telle chose ne peut donc pas être abrogée ou changée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'une des paroles issues de la prophétie et que les gens connaissent est « Que celui qui n'a pas honte fasse ce qu'il veut » rapporté par Al-Bukhari. C'est l'une des qualités des meilleures créatures et Allah loue à ceux qui la possèdent. Les anges eux-mêmes la possèdent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Uthman radiallahu anhu, comment ne pourrais-je pas éprouver de pudeur pour un homme pour qui les anges en éprouvent ? Rapporté par Muslim. Les prophètes furent connus auprès de leur peuple par cette qualité. Les créatures viendront demander à Adam et Nuh et Moussa alayhimus salam d'intercéder en leur faveur, mais ils se rappelleront leurs péchés et éprouveront de la pudeur, rapporté par Al-Bukhari. Moussa alayhi salam était pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moussa était un homme pudique qui aimait se couvrir. Par pudeur, il ne laissait rien apparaître de sa peau. » Rapporté par Al-Bukhari. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus pudique. Il faisait On connaissait sa pudeur. Sa pudeur se voyait sur son visage. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus pudique qu'une jeune fille. S'il n'aimait pas une chose, qu'une jeune fille dans sa demeure, s'il n'aimait pas une chose, cela se voyait sur son visage, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il fit des allées et venues entre son seigneur et Moussa, la nuit où il fut élevé aux cieux, en demanda à Allah d'alléger le nombre de prières, puis finit par dire, j'éprouve trop de pudeur envers mon seigneur pour y retourner. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lors de son mariage avec Zainab bint Jahsh, radiallahu anha, les méchants furent invités et mangèrent, puis se retirèrent, à l'exception de trois personnes qui restèrent discuter dans la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut honte de leur parler et est donc sorti lui-même de la maison. Puis Allah ta'ala révéla les versets dont la traduction est « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous y appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il était trop pudique pour vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de dire la vérité. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Uthman est un exemple de pudeur parmi les compagnons. Un jour, il entra auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète s'assit et réajusta ses vêtements. On l'interrogea à ce propos et il répondit « Uthman est un homme pudique et j'ai craint que s'il me voyait ainsi, il n'ose pas me demander ce dont il avait besoin. » Rapporté par Muslim. La pudeur est une qualité innée de la femme. Cela l'embellit et est pour elle un rempart qui la protège. Aïcha radiallahu anha dit, ô messager d'Allah, celle qui n'a jamais été mariée aura honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, le signe de son accord concernant le mariage est son silence, rapporté par Al-Bukhari. La fille de celui qui habitait Médiane vint couverte de pudeur, en cachant son visage de sa main et de son vêtement. Dans la traduction des versets la concernant, il est dit, l'une d'entre elles arriva en marchant pudiquement et dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour l'eau que tu nous as donnée. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, était si pudique qu'elle avait honte auprès de Omar après que celui-ci fut enterré dans sa maison. Elle dit à ce propos, lorsque j'entrais dans ma maison, dans laquelle était enterré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et mon père, je me dévoilais en me disant, il ne s'agit que de mon mari et de mon père, mais lorsque Omar y fut enterré avec eux, par Allah je n'y suis plus entré dévoilé, par pudeur envers Omar. Rapporté par Ahmed. Une femme patienta envers les épreuves, et n'accepta pas de perdre la pudeur, et elle fut donc récompensée par le paradis. Ibn Abbas radiallahu anhuma dit à Ata ibn Abi Rabah rahimahullah, souhaites-tu que je te montre une femme du paradis? Il répondit que oui. Il lui dit, il s'agit de cette femme noire. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, je suis prise de crise et je me découvre à cause de cela. Invoque Allah pour moi. Le prophète lui répondit, si tu patientes, tu obtiendras le paradis. Mais si tu veux, j'invoque Allah pour qu'il te guérisse. Elle répondit, non, je patienterai, mais je me découvre, alors invoque Allah pour que cela n'arrive plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua pour elle. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La pudeur fait partie des nobles comportements qu'observaient les gens de la période pré-islamique. Héraclius interrogea Abu Sufyan radiallahu anhu avant que ce dernier ne se convertisse à l'islam. Il l'interrogea à propos du prophète. Et Abu Sufyan dit, par Allah, si je n'avais pas eu honte que mes compagnons me voient mentir, j'aurais menti. Mais par honte d'une telle chose, je lui ai dit toute la vérité. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par la pudeur, on obtient le bonheur. Et ce qui y mène, dans la pudeur, il n'y a que du bien. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans la pudeur, il n'y a que du bien. Dans la pudeur, il n'y a que du bien. Rapporté par Muslim. L'issue de celui qui possède cette qualité est toujours heureuse et il n'éprouvera jamais de regrets. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur n'apporte que du bien. Rapporté par Muslim. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la pudeur trouve son essence dans la vie du cœur. Elle est la source de tous les biens. Et sa disparition est la disparition de tous les biens. L'une des plus grandes qualités de la pudeur est qu'elle habitue l'âme à accomplir les bonnes choses et à délaisser les mauvaises. Plus l'homme est pudique, plus il protégera son honneur, cachera ses défauts et affichera ses qualités. La croyance des gens de la Sunna et de l'Union est que la foi est composée de paroles, d'actes et de convictions, et que la pudeur est une branche de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est composée de plus de 60 branches et la pudeur est l'une d'entre elles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Hibban, rahimahullah, a dit, la pudeur fait partie de la foi et le croyant sera au paradis. La pudeur ne disparaît que lorsque la foi disparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa auprès d'un homme qui blâmait son frère pour son excès de pudeur, presque au point de lui dire, cela te nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a pas de punition qu'Allah afflige à un cœur, pire que de lui ôter la pudeur. Ibn Umar, radiallahu anhuma, a dit, la pudeur et la foi sont liées. Si l'un d'entre eux disparaît, l'autre aussi. La pudeur est une bonne œuvre qui en appelle d'autres et qui mène celui qui la possède à délaisser ce qui pourrait lui nuire dans l'au-delà. Celui de qui la pudeur est ôtée fera tout le contraire. La pudeur est l'un des plus grands parts qui empêche de commettre les péchés. Celui qui est pudique s'abstiendra de par pudeur de commettre des péchés comme il s'en abstient par la foi. Celui qui n'a pas de pudeur n'aura rien qui l'empêche de commettre ses actes répréhensibles et d'avoir de mauvais comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari. Ibn Abdelbar rahimahullah a dit, celui qui ne possède pas de pudeur pour l'empêcher de commettre ce qu'Allah a interdit, il lui sera égal de commettre de grands péchés ou de petits. Et il y a donc dans ce hadith une mise en garde contre le fait d'avoir peu de pudeur. Les péchés affaiblissent la pudeur du cœur au point que le serviteur en soit complètement dépourvu et qu'il ne soit plus gêné par le fait que les gens connaissent ses péchés et qu'ils en prennent connaissance. Pire encore, il se peut que lui-même rapporte aux autres les œuvres répréhensibles qu'il commet. La pudeur embellit celui qui la possède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vulgarité enlaidit chaque chose où elle est mêlée et la pudeur embellit chaque chose où elle est mêlée. Rapporté par At-Tirmidhi. Elle pousse à aimer d'être respectée et à protéger son honneur. Celui qui la possède ne demande donc rien à personne, même s'il en a besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le véritable pauvre n'est pas celui que l'on repousse avec une ou deux bouchées. Le véritable pauvre est celui qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, mais qui a honte ou qui ne demande pas aux autres avec insistance. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La pudeur appelle à s'armer de bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea ses compagnons à propos d'un arbre qui ressemble aux musulmans. Ibn Umar radiallahu anhu m'a dit, j'ai pensé qu'il s'agissait du palmier, mais j'ai vu Abu Bakr et Omar ne pas dire un mot, alors je n'ai pas voulu parler. Et dans une autre version, j'ai eu honte de parler, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La récompense d'un acte est du même genre que celui-ci. L'un des fruits de la pudeur est qu'Allah soit pudique envers ceux qui le sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant au dernier, il fit preuve de pudeur et Allah fut donc pudique envers lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le plus haut degré de la pudeur est d'être pudique envers Allah, de sorte à ne pas vouloir qu'il nous voie où il nous a interdit d'être. Car Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui, qu'on ait honte devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites preuve de pudeur sincère envers Allah. Rapporté par At-Tirmidhi. La pudeur envers Allah est une lumière qui illumine le cœur et fait prendre conscience à celui qui la possède qu'il est en réalité dressé devant Allah. Il fait donc preuve de pudeur seul ou en public. On obtient la pudeur envers Allah en méditant sur ses bienfaits et ses immenses dons, tout en se rappelant des défauts de notre âme et de ses manquements, et en sachant qu'Allah connaît nos secrets et ce que nous cachons. Si le serviteur sait qu'Allah le voit et l'entend, et qu'il est pudique, il aura honte de s'exposer à sa colère. Et il y a avec l'homme des anges qui ne le quittent jamais. Faire preuve de pudeur envers eux est une marque de respect pour eux. Dans la traduction des versets, il est dit « Alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes qui savent ce que vous faites. » Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit à propos de ces versets, c'est-à-dire « Faites preuve de pudeur envers eux, respectez-les et honorez-les, et ne commettez pas de choses dont vous auriez honte devant, devant vos semblables. » Faire preuve de pudeur envers les gens pousse vers les nobles caractères. Si le musulman obtenait comme bénéfice de son frère que le fait d'avoir honte devant lui de commettre des péchés, cela serait un gain bien suffisant. Cette pudeur est une aide pour obtenir la pudeur envers Allah. Et celui qui n'a pas de pudeur devant les gens n'en aura pas non plus devant Allah. C'est en fréquentant les gens pudiques que la pudeur augmente. De plus, ce qui est le plus en droit d'être respecté par l'homme est sa propre personne. Celui qui fait preuve de pudeur envers les autres, mais pas envers sa personne, aura considéré que son âme a moins de valeur que les gens. Et celui qui fait preuve de pudeur envers sa personne et envers les gens, mais pas envers Allah, ne connaît pas réellement son Seigneur. Et celui qui se couvre de pudeur, les gens n'apercevront pas ses défauts. Ceci dit, chers musulmans, l'islam est la religion des caractères nobles et louables. Il englobe les meilleurs comportements et les qualités les plus dignes. Il appelle à tous les biens et condamne tous les maux. Il est donc obligatoire pour nous de nous y attacher, d'en être fiers et d'y appeler les autres et de faire preuve de pudeur envers Allah en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et délaissant ce qu'il nous a interdit. Dans la traduction des versets, il est dit « Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Ibrahim ?» Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile les versets et sages rappels qu'ils y trouvent. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les musulmans, pour chaque péché. Implorez donc son pardon, il est certes celui qui pardonne et le tout miséricordieux. Louange à Allah pour ses bienfaits. Nous le remercions pour avoir facilité nos entreprises et pour sa générosité. Je témoigne que ni digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique et n'a pas d'associé, et je le glorifie. Et je témoigne que son prophète Mohammed, que notre prophète Mohammed est son messager, et son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de ses éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons, et qu'il leur accorde son salut. Ô musulmans, la pudeur louable dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le comportement qui pousse à faire ce qui est bien et à délaisser ce qui est mauvais. Par contre, la faiblesse qui entraîne des négligences dans les droits d'Allah ou les droits de ses serviteurs ne fait en rien partie de la pudeur. Si la pudeur empêche celui qui la possède de faire le bien, alors elle n'est pas louable. Aïcha radiallahu anha a dit « Quelles grandes femmes sont celles des Ansar ? La pudeur ne les empêchait pas d'apprendre leur religion. » Rapporté par Muslim. Il n'y a pas de pudeur dans l'apprentissage de la religion. Celui qui délaisse le savoir par pudeur restera à jamais ignorant et dans l'échec. Mujahid, rahimahullah, disait « N'apprendront jamais celui qui a honte et celui qui est orgueilleux. Puis sachez qu'Allah vous a ordonné de l'invoquer pour qu'il couvre son prophète de ses éloges et de son salut. » Dans la traduction des versets, il est dit « Allah et ses anges font les éloges du prophète, ô vous qui croyez. » Invoquez Allah pour qu'il couvre son prophète de ses éloges et de son salut. Seigneur, couvre de tes éloges, de tes bénédictions et de ton salut notre prophète Mohammed et accorde ta satisfaction à ses califs, à ses successeurs bien guidés qui ont jugé avec justice Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi qu'à tous les compagnons avec eux. Et à nous aussi, par ta miséricorde et ta générosité, ô toi le plus généreux des généreux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans, et humilie les mécréants et les mécréants, et détruis les ennemis de la religion, et fais de ce pays, Seigneur, un pays stable, prospère, ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, fais triompher nos soldats, préserve nos frontières, et fais de notre pays un pays en sécurité et stable, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, c'est toi, Allah, nous lignes d'être adorés en dehors de toi. Tu es le riche et nous sommes les pauvres. Fais descendre sur nous la pluie et ne nous compte pas parmi ceux qui désespèrent. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne fais pas miséricorde, nous ferons partie des perdants. Seigneur, donne-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, facilite notre gouverneur pour qu'il accomplisse ce qui est bon et fait que ses œuvres soient dans ce qui fait que ses œuvres te satisfassent. Et guide tous les gouverneurs musulmans pour qu'ils accomplissent ta charia et ton livre. Seigneur, serviteur d'Allah, Allah ordonne la justice et de faire le bien. Et il interdit la turpitude et les injustices. Il vous exhorte afin que vous rappeliez. Rappelez-vous donc de ses bienfaits et remerciez-le pour ses bienfaits. Il les augmentera pour vous. Et Allah sait ce que vous faites.